réverb. Voilà. Il faudrait un compresseur pour booster un peu ton son. Oui, ça j'ai déjà mis. Alors je l'ai mis. Après, peut-être je ne maîtrise pas tout. Il est tout près de la peau. Ah oui, ok, d'accord, j'ai lu. Alors, je vais pousser encore un petit peu le compresseur. Qu'est-ce qu'il me dit là? Bon, après, derrière, il y a du souffle. Hein. J'ai pas vraiment encore une bonne installation micro. Ok, d'accord, c'est du. Bon, très bien, très bien, très bien. Je vais retenir ça. Vous savez que je galère un petit peu avec le son. Ok, je te remercie pour tes retours. Thank you. Pas de problème, pas de problème. Thank you. Merci, toi aussi. Alors, tu fais plein de choses en même temps, quoi, en fait, là. Oui, vas-y Seb, t'as raison là. Les pauvres. On n'entendait pas trop.